Bonjour et bienvenue sur le podcast Binomade, l'émission consacrée à la présentation de nos binômes à travers le monde. On vous emmène aujourd'hui en Colombie avec Mr. M. Mr. M, tu es installé où là, maintenant, à l'heure où je te parle? Hola, alors je suis installé à Medellín, la ville du printemps éternel dans la région d'Antioquia, qui est une région au milieu des montagnes. Et tu vis depuis combien de temps en Colombie? Alors, ça fait un an que je suis installé en Colombie. Je suis arrivé directement à Medellín, mais j'ai beaucoup, beaucoup bougé entre-temps, en gardant toujours Medellín un peu comme point d'ancrage. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'es arrivé en Colombie? Alors, ce qui m'a le plus surpris, je pense, c'était les contrastes du pays, un peu les... C'est un pays qui est très diversifié. D'abord, j'ai trouvé d'une région à l'autre, en se baladant dans les différentes régions de Colombie, il y a vraiment énormément de différences entre les grandes villes, par exemple, qui sont très modernes, très animées, et des régions beaucoup plus sauvages, beaucoup plus tranquilles, avec un rythme de vie très différent. C'est quelque chose que j'ai trouvé aussi chez les Colombiens eux-mêmes, donc vraiment dans les gens que je rencontrais. Il y a énormément de différences entre un Colombien de la côte, un Colombien de la capitale, un Colombien de la région du café, de la côte pacifique. C'est des réalités différentes, des accents différents. Globalement, ils sont tous très accueillants, très sympas, mais de manière totalement différente. Et je trouve ça très intéressant d'avoir ces différences-là. Et peut-être un dernier contraste qui m'a beaucoup frappé en arrivant, c'était la différence entre les clichés qu'on a sur la Colombie et la réalité du pays. Dans le sens où, évidemment, avant d'aller en Colombie, on entend toujours des tas d'histoires, des tas de... Voilà, la Colombie est un pays qui a une image très particulière. Et en fait, en arrivant sur place, vraiment la première réaction, c'est de se dire « Waouh, c'est pas du tout ce que j'aurais imaginé. » Et en mieux, heureusement. Est-ce que dernièrement, tu as découvert, je ne sais pas, une région, un hôtel, un espace de coworking, un spot en particulier qui pourrait plaire à un binomade? Alors, un truc que j'ai découvert et qui, moi, me plaît beaucoup, ce n'est pas une région, c'est une activité. C'est un cours de salsa. Alors, il y en a plusieurs un peu partout dans le pays. C'est la chose la plus facile à trouver. Mais j'étais assez étonné, en fait. C'est quelque chose de très sympa pour entrer dans la culture du pays. C'est un aspect culturel super important en Colombie. Les Colombiens dansent depuis qu'ils sont tout bébés. Enfin, vraiment, c'est un truc très intégré que nous, Européens, Occidentaux, on a beaucoup moins. C'est très généralisé et c'est un super moyen, je trouve, d'entrer dans la culture, de rencontrer des gens, d'apprendre un peu la manière de penser des Colombiens parce que c'est totalement intégré à cette danse-là ou à d'autres d'ailleurs. Et puis, c'est super fun, quoi. Donc c'est une recommandation que j'ai pour des binomades qui viendraient en Colombie. Et c'est quoi pour toi l'incontournable d'une expérience de travail nomade en Colombie? Alors pour moi, c'est vraiment d'aller travailler dans des lieux improbables comme au fin fond de la jungle ou au bord d'une plage, ce genre de choses. C'est-à-dire en fait d'allier le lieu le plus naturel, le plus sauvage possible avec les conditions de travail les plus professionnelles possibles. Et évidemment, ça ne marche pas partout. Toutes les régions, tous les lieux s'y prêtent pas. Mais quand on s'organise bien et quand on arrive à trouver les bons endroits, c'est vraiment une expérience magique, quoi, parce qu'on peut travailler avec un excellent Wi-Fi dans de bonnes conditions, faire toutes nos réunions, tout notre job comme ça, et en 5 minutes, aller faire un plongeon dans la mer ou aller, je sais pas, se balader dans la jungle, observer des toucans et tout. Et cette alliance-là entre les deux me paraît vraiment géniale. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu rejoindre l'aventure binomade? Franchement, ça vient, moi, de ma propre trajectoire, je pense. J'ai toujours adoré vivre loin, aller découvrir des nouveaux pays et m'y installer durablement, que ce soit pour quelques mois, pour plusieurs années. Rencontrer des nouvelles cultures, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup fait grandir, que je trouve super intéressant. Mais c'est pas toujours facile, évidemment. Enfin, c'est-à-dire, ça impressionne beaucoup, ça fait peur. Quelquefois, on n'ose pas aller dans les pays qui nous attirent. C'est pas toujours facile de s'organiser non plus, parce qu'il y a, enfin, c'est une organisation énorme en termes termes pratiques, administratifs, tout ça, pour savoir où aller, où commencer, comment faire les choses bien. Et c'est pas évident. Là, ça fait plusieurs années que je l'ai fait dans plusieurs pays. Et ce que j'ai trouvé, c'est que ce qui fait la différence, c'est un peu l'aide qu'on reçoit, avoir l'expérience de quelqu'un qui est déjà passé par là, qui connaît déjà l'expérience, soit pour déjà rassurer, c'est-à-dire pour expliquer un peu à quoi correspond une expérience de nomade, à quoi, enfin, qu'est-ce que ça représente en fait au quotidien, et aussi pour pouvoir très concrètement partager des bons plans, des conseils utiles qui font gagner du temps, qui tranquillisent et qui permettent de s'installer plus facilement. Et c'est des chouettes projets de vie, c'est des chouettes dynamiques. Donc, si moi je peux participer à ça et encourager des gens à voyager, très volontiers. Merci, Mr. M, pour ce petit avant-goût de la Colombie. Nous étions donc aujourd'hui en direct de Medellín avec notre binôme Colombie, Mr. M. Vous pouvez retrouver toutes les infos pratiques de votre séjour en Colombie sur notre site internet www.bi-nomade.com. À très bientôt pour la présentation d'un prochain binôme.